intervention portera sur un film en particulier et surtout comment est-ce qu'on peut le penser dans un cinéma qui est le cinéma de Chris Marker, qui d'ailleurs, pour compléter ce qui était demandé tout à l'heure, il va fêter ses 90 ans le 22 juillet de cette année. Alors, en 1967, film qui a été évoqué juste précédemment est réalisé Loin du Vietnam. Et Loin du Vietnam, si ça va être un film qui va être un tournant dans le cinéma engagé, c'est aussi un symptôme de la politisation de la culture pendant la guerre du Vietnam. Ça veut dire que ce film, en fin de compte, a une genèse assez simple. En 1966, il y a une opération qui a lieu en Europe et en France qui s'appelle Un milliard pour le Vietnam. Et on va avoir un galeriste belge qui va demander à Ranier van Landen, puis à Chris Marker, de soutenir la cause du Vietnam par leur travail. Il y a une autre hypothèse sur les points de départ, parce que c'est toujours difficile de savoir d'où vient réellement un film, c'est que des étudiants de l'université de Nanterre, donc là on est en 66, on n'est pas en 68, auraient demandé à Chris Marker également de réaliser un film pour accompagner les débats différents des groupes Vietnam qui naissent à ce moment-là en France. Donc, 1967 va être considéré comme l'année Vietnam dans le monde, reconnue comme telle. On va avoir énormément de manifestations, dont une des plus célèbres, la manifestation d'Amérique, la manifestation de Berkeley, que filmera d'ailleurs Marker avec Reichenbach. 67 va être aussi déclaré, on le verra, année du Vietnam par Fidel Castro. Mais en France, 67 a aussi, pour le Vietnam, un rôle particulier. Ça va être là où il y aura le plus de mobilisation par rapport au comité Vietnam. Et puis, on va avoir le milieu culturel vont beaucoup se mobiliser par rapport au Vietnam. On va avoir, par exemple, un film de Godard qui est La Chinoise, qui va évoquer clairement le Vietnam. On a, du côté du théâtre, un auteur et metteur en scène, donc Armand Gatti, qui va monter avec un Vietnam à Toulouse. Et puis, on va avoir aussi une mobilisation de l'ensemble des forces syndicales avec une mobilisation de la CGT et de la CFDT par rapport au Vietnam. Donc, c'est en globe, en fin de compte, on est dans un moment où le Vietnam est, au niveau français et au niveau mondial, sur le devant de la scène. La question que je me pose par rapport à du Vietnam, c'est justement comment est-ce que un collectif de cinéastes, je ne mettrai pas le générique en entier, je le couperai, mais j'en mettrai un bout parce qu'il est assez important, qui dure quand même une minute, donc avec l'ensemble des personnes qui ont été citées tout à l'heure par rapport au film de 69, se retrouvent dans le monde du Vietnam. Donc ça va de Bonfanti, tous les cinéastes dont on va parler après le cinéma étant qui sont dans le monde du Vietnam. Donc là, on a vraiment le début d'un film collectif, mais c'est comment est-ce que, et je crois que c'est une question qui est très importante et qui porte un peu cette journée-là et qui a été évoquée par Nicole ce matin, c'est comment est-ce que politiquement, quel est le poids politique dans l'esthétique de cinématographie, c'est comment est-ce que le cinéma engagé va essayer de traduire esthétiquement les idées politiques, ce qui, à mon avis, est un enjeu. Alors, un enjeu qu'on retrouve dans les films de Loin du Vietnam, et après, je déborderai sur l'ensemble des films produits par Slon, donc Slon, qui est la société de lancement des œuvres nouvelles, qui veut aussi dire éléphant en russe, c'est pas pour rien, c'est lié à Marker, puis par Iskra. Je vous rappelle que Iskra est aussi le journal de Lénine d'avant la révolution de 1917, et puis aussi dans l'ensemble de l'œuvre d'un cinéaste qui va participer à toutes les aventures collectives, souvent en se mettant en retrait d'ailleurs, en se jetant en coréa, mais en ne signant pas forcément tout ce qu'il va faire dans ses films collectifs, qui est Chris Marker. Donc, je vais commencer par vous montrer un extrait, donc le début de Loin du Vietnam, donc réalisé en 67. Comme ça. C'est un format qui passe avec PLC. Chose importante, il a eu un message ministériel, ce qui n'est pas le cas de. Thank you. D'un côté, les États-Unis d'Amérique. La plus grande puissance industrielle et militaire de tous les temps. Depuis 1965, début de l'escalade, les Américains ont déversé plus d'un million de tonnes de bombes sur le Vietnam du Nord. C'est-à-dire davantage que sur l'Allemagne pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Un pays dont les 200 millions d'habitants dépensent plus pour leur papier d'emballage que les 500 millions d'Indiens pour se nourrir, peut donner quelques moyens à son armée. Chaque matin, dans le golfe du Tonkin, les porte-avions de la 7e flotte font leur plein de bombes. 1000 tonnes par jour. C'est une guerre de riches. En face, une guerre de pauvres. Celle des 17 millions de Vietnamiens du Nord et de leurs compatriotes du Sud qui se battent pour l'indépendance. Ce sont les plus pauvres, mais pas les plus faibles. Ce sont les moins nombreux, mais pas les plus seuls. Car si la pratique quotidienne de la guerre place le Vietnam dans une solitude que le Che Guevara compare à celle des gladiateurs au milieu du stade, une grande partie du tiers-monde a compris qu'elle était solidaire du Vietnam. Et que c'est au Vietnam que se pose la question fondamentale de notre temps. Le droit des pauvres a créé, pour avancer, des sociétés basées sur autre chose que sur l'intérêt des riches. À Cuba, Fidel Castro a proclamé 1967 année du Vietnam. Il sait de quoi il parle. C'est parce que les États-Unis ont échoué à briser la révolution cubaine par la force en 1961 à la baie des Cochons qu'ils ont décidé de ne plus laisser nulle part se développer victorieusement un mouvement révolutionnaire. D'où Saint-Domingue, la lutte anti-guérilla en Amérique latine et l'effort de guerre démesuré au Vietnam. L'Amérique veut démontrer au monde que la lutte révolutionnaire est sans issue. Elle a choisi le Vietnam pour en faire la preuve. Elle a peut-être mal choisi. Alors là, on est dans vraiment l'introduction du film, donc on a le visa de censure qui a été accordé, c'est quand même assez important à noter, les premiers cartons, et puis donc ces images de porte-avions avec un montage quand même assez simple, c'est une opposition claire et nette entre une armée, une guerre de riches, avec, avec le rôle de la musique derrière qui est important, et puis la guerre de pauvres, et là entre guillemets, le côté... mondial qui est le tiers-mondiste qui est rappelé dans les propos du commentaire de Maurice, enfin, lu par Maurice Garrel d'ailleurs. Alors ce qui est important à noter aussi, c'est l'utilisation de la musique qui est faite par rapport au générique, parce que ces premières notes de musique que vous avez entendues, en 1967, on est à peu près, on peut dire facilement, un tiers de la population française qui l'a entendu, parce que c'est le générique de Nuit Brouillard. Et le film était quand même projeté à l'époque, même si c'est moins qu'aujourd'hui, mais beaucoup de générations d'écoliers l'ont connu. Donc il y a une identification très forte par rapport à Nuit et Brouillard qui est là et qui peut que faire sens. Enfin, pour un spectateur de l'époque, ça peut que faire sens par rapport à tout ça. Alors le film Loin du Vietnam, il est assez proche dans sa structure des films à sketch qui sont développés dans l'Europe de l'après-guerre, principalement... en Italie, mais il y a eu des films, donc des sketchs réalisés, donc qui sont attitrés à des réalisateurs. Vous avez vu les plus illustres au début, enfin les plus illustres, ceux qui ont vraiment signé. René a signé un film, a signé un sketch et tout ça. Et après, on va avoir justement Valérie Mayou, par exemple, monteuse, qui participera et tout ça. Mais il y a quand même eu des réunions de concertation avec des projets de comment est-ce qu'on allait écrire ce film. Alors malheureusement, les archives, comme beaucoup d'archives de Loin du Vietnam, ne sont plus consultables aujourd'hui pour des questions bêtement d'ayant droit et des choses comme ça, mais aussi de conservation dans une cave, ce qui fait que c'est difficilement consultable. Mais il y a eu un travail fondamental sur ce film et exemplaire qui a été fait par Laurent Véret, qui a été édité au Cahier d'Expérimental, dont je ne peux que m'inspirer d'ailleurs dans ce que je vais vous dire, parce que justement il a pu avoir accès au fond d'archives et donc de retracer un peu la genèse du film. Alors ce qui est important de voir, c'est justement quelles sont les questions qui vont et quelles sont les lignes directrices qui vont être au centre des discussions. Et la ligne directrice principale du film, ça va être le statut des images, et donc sur la question de la dictature du document. Ça veut dire que c'était toute la question, les débats de la réalisation du film ont été de la question du regard sur les images documentaires et de les considérer non pas comme étant une empreinte du réel, mais comme une représentation du réel, et donc de s'interroger sur la construction des images, et donc par rapport à ça, sur la construction de l'information et de l'idéologie qu'elles vont véhiculer. Donc là, on retrouve tout à fait la question du cinéma qui va se développer après, on va le voir dans quelques instants, de information contre information, et de tout le cinéma engagé qui va se vouloir un cinéma de contre-information dans les années, de la fin des années 60, des années 60 au début des années 70. Alors 67, c'est aussi un autre le point de commencement d'un autre film, j'ai vraiment du mal, qui trouvera, lui, qui sortira en 77, qui est un film de Chris Marker, donc Le Fond de l'air est rouge. Fond de l'air est rouge, qui est le film sur une décennie, je vous rappelle, en deux parties, enfin pour ceux qui l'ont un film en deux parties, l'année vraiment 67-68, et puis après, en fin de compte, c'est un peu la désillusion après 68, jusqu'à l'échec du programme commun de la gauche pour le côté français, mais aussi le côté international qui est beaucoup traité dans Le Fond de l'air est rouge. Et comment est-ce que va travailler Chris Marker sur ce film-là, qui sera plutôt un film individuel qui clôt un peu l'engagement de Chris Marker dans les collectifs de cinéma, même s'il va participer à encore beaucoup de travaux collectifs. Et donc Chris Marker va travailler sur un fond cinématographique qui est très important et qui est un peu aussi qu'il a fait faire œuvre entre guillemets d'historien à ce moment-là pour faire son travail, c'est qu'il va récupérer l'ensemble des chutes de tout ce qui va traîner dans les poubelles et tous les films qui ont aussi passé, qui ont été refusés, et tout ce qu'il a pu voir dans Iskra, dont on a parlé ce matin, enfin tout au long de la journée, qui va être là une des sociétés, enfin un des distributeurs de tous les films militants des années 60-70, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, en France. Et donc il va avoir un matériel énorme d'images qu'il va remonter pour servir son propre montage. Et il va y avoir un geste important d'interrogation des images, ça va être la question justement de l'information. Je vais vous montrer une séquence très célèbre de ce film-là, qui n'est donc pas filmée par Marker. Ça doit être ça. Ça va être LC aussi. Oui, ça doit être bon. Il faut faire glisser. Tout cristallisé, c'est évidemment le Vietnam. Good morning, Vietnam. This is the Dawn Buster. Okay, we're inbound to the target now. We're down in four core. We'll be approximately about 35 miles south of Canto. Down near Kamau in the southern Kamau Peninsula of South Vietnam. And we're going to make a strike of four Sky Raiders. Each aircraft we carry normally 6,000 pounds of bombs, and it's absolutely outstanding. Today you will see bombs and napalm, and that two of our aircraft, lead and number two, are carrying bombs. We'll have 500-pound bombs and 250-pound general-purpose bombs, and three and four will have napalm, so it should be fairly exciting. We should see a little ground fire and a lot of napalm burning and maybe even some Victor Charlie. Okay, his bomb there, Simcoff. Okay, they should hit now. Okay, look out to the right now. Okay, right down there. Okay, napalm now. There it goes. Ah, look at it burn. Look at it burn. Okay. See, I'm going very low now to avoid the gunfire. Okay. Pull up just short of the tree line. Up we go. That was an outstanding turn. target. All right, we bombed first of all, and we could see the people running everywhere. It was fantastic. It's very, very seldom that we see Victor Charlie run like that. When they do, we know we got him. If we can keep him on the runway, we know we're going to really hose him down. Okay, we bombed first of all, and then we beat up the area, and that's when they started to run. Okay, then the napalmers come across, and we strafed immediately in front of them. See, to keep their heads down, we were receiving heavy ground fire. You can see the tracer bullets coming up past us. Fantastic, and we really made them run. That's outstanding, because when they get out of their trenches in the open, we can really hit them, and that's what we like to do. That's what we're here for, and boy, it's outstanding to really catch them out in the open, or we don't do that very often. Were you dead on target? Oh, absolutely. Did you think you got them? Oh, didn't we get them? Couldn't you see them run down there? Man, I know we got them. We could, I've got four 20-millimeter cannons you can see out here, and we really hosed them down by Joe. That's great fun. I really like to do that. Alors, cette séquence-là, je l'ai coupée volontairement, mais les images qui suivent sont les images des victimes, justement, des bombardements en napalm et tout ça, donc elle prend directement son sens en opposition avec les images qui suivent. Ce qui est extrêmement important dans cette séquence, c'est que si Marker a choisi de la mettre dans son entier, c'est qu'on n'a pas l'image d'un avion qui bombarde, en fin de compte, on a l'image d'un pilote de chasse qui se filme en train de bombarder. Et là, il y a vraiment la volonté chez Chris Marker de s'attaquer aux documents d'information vraiment véritables. Alors, pour revenir à Loin du Vietnam, donc Loin du Vietnam va participer à la naissance de va provoquer des réactions, provoquer des productions de films de cinéma engagé, alors plus ou moins directement. Donc il va y avoir une expérience qui va naître qui va naître un peu Loin du Vietnam, c'est l'expérience des groupes Medvedkin qui vont se développer à Besançon puis à Sochaux dans les années de 68, voilà, au milieu des années 70. Alors c'est pas Loin du Vietnam qui directement va impulser les groupes Medvedkin. Ce qui va faire que les groupes Medvedkin vont exister, c'est que Chris Marker et Mario Marais vont aller filmer les grandes grèves de la Rodiaceta, les grandes usines de textiles synthétiques, les grandes grèves de 67, parce que l'insubordination ouvrière en France a commencé avant 68. En 67, des gros mouvements de grève très durs à Besançon, comme à Lyon justement dans les mêmes types, dans la même usine. Et ce film-là, il va aller le projeter aux ouvriers. Et les ouvriers vont dire que Chris Marker filmait très mal les ouvriers. Et donc, Chris Marker, sa réponse, ça va être chiche, donc je vous donne la caméra. Et donc, vous allez faire vos propres films. Donc, ça, c'est un peu l'histoire très résumée des groupes Medvedkin dans leur naissance. Où est-ce que Loin du Vietnam intervient? C'est que Loin du Vietnam, justement, il va y avoir après ce va-et-vient Besançon-Paris, Loin du Vietnam va être projeté très tôt. En 68, il sera projeté à Besançon, justement. Et d'ailleurs, l'avant-première de Loin du Vietnam aura lieu à Besançon, dans la volonté de mobiliser, en s'appuyant sur les ouvriers de la Rodiaceta et principalement sur un lieu qui était le centre culturel de Palantorchamps, d'un quartier de la Rodiaceta, et en s'appuyant sur le PC local, enfin une frange du Parti communiste et de la CGT de la Rodiaceta. En même temps qu'il va y avoir cette expérience collective qui va naître avec une esthétique qui va commencer à naître et qui va naître des années 68 avec des films qui vont être produits avec une expérience très, très originale qui sont les cinétracts. Alors les cinétracts, c'était pour un collectif hors de cinéastes et d'étudiants, c'était justement de faire des tracts cinématographiques. Donc il y avait des contraintes très fortes, c'était la contrainte du temps, ça veut dire qu'il fallait travailler dans l'urgence pour qu'un tract soit efficace, pour qu'on soit dans l'urgence. La contrainte des moyens aussi, il faut quand même moyenner pour faire un film. Et donc, ont été mis un dispositif très contraignant, c'était une bobine de 30 mètres en 16 mm. Donc 30 mètres en 16 mm, ça fait à peu près 2 minutes 20 en 24 images secondes. L'impossibilité de faire du montage pour des questions de temps, et donc faire des tournées montées. Et donc il va y avoir une nécessité pour les auteurs de penser leur track très en amont. Alors, je vais vous lire le texte, qu'est-ce qui va résumer l'expérience des cinétracts, et c'est ce qu'on va retrouver dans les manuels pour faire les cinétracts. Et donc, il y a une grande phrase qui est contester, proposer, choquer, informer, interroger, affirmer, convaincre, penser, crier, rire, dénoncer, cultiver. Et dans ces cinétracts-là, cinétracts dont il va y avoir des grands cinéastes qui ne vont pas les signer parce que c'est sous le pouvoir anonyme, mais on retrouve. On en attribue à Godard, on en attribue à Marqueur, à René, à Gorin, à Garel. On va avoir énormément de... une esthétique, entre guillemets, mai 68, qui va rentrer là, l'esthétique des affiches qui vont fleurir sur les murs et tout. Et puis, la question aussi de l'information, de la contre-information, qui est à la base du cinétract. Alors, l'expérience des cinétracts, on va la retrouver justement dans les groupes Medvedkin. Et je vais vous passer juste deux extraits. Je vais demander l'assistance. De deux types de films. Donc, le premier que vous allez voir, c'est le générique de Nouvelle Société. Donc, Nouvelle Société, c'était des courts-métrages, il y en a eu trois de fait, pour répondre au projet de Chaban-Delmas de Nouvelle Société. Donc là, on va voir le générique, et ce qui est important, ce n'est pas le film derrière, mais c'est vraiment l'esthétique. Et puis après, on verra une autre série de produits faits par Iskra, qui sont les On vous parle. Donc là, on retrouve vraiment l'esthétique, si vous voulez, du cinétract. Là, on a le générique d'un des films. Alors, faut rappeler le contexte de production quand même. On n'a pas de sous à l'époque pour faire les films. On tourne sur des pellicules qui sont des pellicules inversibles, donc il n'y a pas de négatif et tout ça, donc ça contraint forcément le travail. On retrouve en fin de compte le Super 8 tout à l'heure qui était évoqué. Donc la perte des films aussi qui est, si je ne me trompe pas, le Vautier dont on parlait ce matin était tourné en inversible, donc plus de films au final. C'est Slon qui fournit la pellicule. Ce sont les techniciens, enfin les militants qui vont descendre pour aider les cinéastes. Et souvent, ce qui se passe, c'est que tout le matériel de tournage, il est pris sur les différents tournages des professionnels qui fournissent les chutes de pellicule et qui empruntent leurs caméras et tout ça pour pouvoir les tourner. Alors très tôt, Slon, en tout cas, la société Slon va dépasser les expériences de prise en main de collective, et donc il va y avoir véritablement des réalisations de films de films de contre-information. Donc dans la continuité Loin du Vietnam, il va y avoir la réalisation de plusieurs films d'une série qu'on appelle On vous parle. Donc je vous lis la. Comment est-ce que c'est présenté par Slon puis par Iskra. Mais 68 a aiguisé chez nous le sentiment d'une nouvelle nécessité, celle de contre-informer. Slon s'efforce de contribuer à l'invention et à la fabrication de diverses formes filmées de contre-information, par exemple la série Images de la Nouvelle Société réalisée à Besançon par les groupes Medvedkin ou le magazine On vous parle. Alors On vous parle, on va retrouver la même esthétique, si vous voulez, par rapport au générique. Je vais projeter un extrait. Je suis désolé. Alors, il y a eu 6 films par rapport à On vous parle. Hein. On vous parle du Tché, on vous parle de Brésil, de Paris, de Prague aussi, je reviendrai dessus, et d'Amérique latine. Là pour revenir dessus et continuer. Alors là, on a vraiment un générique qui est très proche de l'esthétique des cinétracts, avec un rôle du mot qui va être important et qui va vraiment taper comme un slogan. Le « on vous parle » qui tape. Et donc, on a toujours ces films-là, ce générique-là qui arrive. Alors, les 6 films dont on vous parle, ils sont extrêmement importants par rapport aux thèmes qui vont traiter. Donc, on va retrouver le Brésil, Paris, le Chili. Alors, il y en a qui ont un peu disparu, mais on a aussi l'Amérique latine avec le message du Che qui va exister. On vous parle de Prague, Donc on a vraiment l'ensemble des luttes qu'on va appeler tiers-mondiste de l'époque, on pourrait appeler tricontinental à la rigueur aussi, enfin, de tous les continents du tiers-monde, le terme est de tiers-monde ayant un peu évolué depuis, c'est un peu plus compliqué. Alors, on n'a pas forcément de films qui sont réalisés pour la série, mais ça, le magazine va servir aussi pour diffuser des images qui ont pu être censurées, qu'on ne peut pas passer autrement. Par exemple, on vous parle de l'Amérique latine, donc le Che. Il a été censuré en 68. Donc c'est un message du Che lu par Fidel Castro qui a été interdit par le centre de cinéma français. Et donc, il va sortir finalement sous On vous parle. Donc ça permet de faire véritablement de la contre-information. Deuxième film, c'est le Chili. Donc c'est ce que disait Allende. Là, c'est un entretien entre Debré et Allende, qui a été filmé en 71. Donc ça sert, si vous voulez, ce n'est pas des films qui sont spécialement réalisés pour la série, ça sert aussi de générique, enfin, de label, vraiment de magazine, pour passer des films à côté. Alors, il va y avoir d'autres films qui vont être réalisés véritablement. Donc il y aura un film, on vous parle de Prague, qui va être un film par rapport au tournage de L'Aveu. Donc là, c'est Chris Marker qui est véritablement derrière. Il va y avoir aussi, on vous parle avec la mort de, avec les manifestants 68 et surtout la mort de Gilles Totin. Et puis donc un film qui est particulier à ce dont on vous parle, qui on vous parle de Paris, François Maspero, qui est le film de Chris Marker et qui peut être vu d'ailleurs aussi comme étant véritablement l'hommage de Chris Marker à François Maspero, voire on pourrait pousser plus loin en étant pratiquement le portrait de Chris Marker dans les propos de François Maspero. Il y a beaucoup de choses qui sont en commun et entre François Maspero, l'expérience, enfin le travail de François Maspero au niveau éditorial et l'expérience de Chris Marker au niveau cinématographique, voire même éditorial d'ailleurs, dont on reviendra tout à l'heure. Métier où tout est imparfait et où tout pousse à la perfection. Il existe une véritable technique, une technique qui est devenue un véritable art qui s'appelle la typographie, qui est mûrie depuis 600 ans et en fait on n'arrive jamais à la perfection typographique, on n'arrive jamais à la perfection éditoriale, de la même manière qu'on n'arrive pas à cette perfection typographique. On n'arrive jamais à faire le livre parfait sur le sujet qu'on voudrait traiter, on n'arrive jamais à faire ce livre parfaitement. Un livre sort toujours avec ses imperfections et ses scories, et le contentement, il dure quelquefois une demi-minute quand le livre sort des presses, et puis ensuite on s'aperçoit déjà des coquilles qu'il y a dedans. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre les lettres d'enveloppe de l'auteur. Alors, le premier extrait, on va en passer un deuxième tout de suite. Donc, c'est le... On vous parle le 5. Donc, là où c'est important, donc on a le générique et tout, c'est vraiment comment est-ce que Marker va positionner Maspero. Il le positionne vraiment comme étant un éditeur avec un rôle, enfin un attachement à la forme du livre et à la typographie. Et on va voir que c'est là, en fin de compte, on va retrouver des points communs très forts entre la façon d'envisager le politique et l'esthétique dans ce film-là. Donc, là, on a c'est rare d'une librairie politique où le choix implique la connaissance de tous les courants révolutionnaires plutôt que leur filtrage ou leur censure. Ni censure politique, ni censure poétique. Marx voisine avec Michaud et le Che Guevara avec Giraudoux. Ben Giraudoux. Non, Giraudoux, je pense que... Peut-être que je ne suis certainement pas marxiste en le disant, mais d'ailleurs, je n'ai jamais eu la prétention d'être marxiste dans la mesure où je crois qu'il faut être très très savant pour être marxiste, ou bien alors il faut être le véritable prolétaire qui n'a pas besoin d'être savant pour savoir contre quoi il lutte et pourquoi il lutte. Mais pour ce qui est de Giraudoux, c'est simple. Giraudoux a su expliquer notre vie quotidienne et donner des images de notre vie quotidienne que nul autre n'a su donner. Et ben, utilisons-le. Tant pis si c'est un bourgeois, on s'en fout. Personnellement, il ne me paraît pas contradictoire de mettre côte à côte Et en même temps, c'est pas le musée, c'est pas le mythe de l'objectivité, de la neutralité de la culture. Tout ça a un sens. Maspero publie des livres de poésie. La peau de taureau d'esprit, ou qui est aussi une œuvre de combat. Le combat de la langue catalane contre l'oppression franquiste. C'est le même combat. Un combat dans le... Alors là, on a un point, je crois, qui est essentiel par rapport à justement ce qu'on va dire le cinéma engagé et dans ce que disait Nicole Brunet ce matin par rapport à comment on va définir le cinéma engagé, c'est que on peut pas différencier le contenu, on va dire, de la forme. Enfin, donc forcément, l'esthétique est forcément politique, elle est pensée comme telle. Et c'est ce qu'on retrouve là, finalement. C'est-à-dire que le combat de la langue et le combat de... il est aussi important, pratiquement, que le combat politique traditionnel, on va dire. Et ça, c'est un point essentiel chez Marker. Ça veut dire que on va dans les films, justement, la critique du document et tout ça, on va avoir un montage. Alors, le montage chez Marker, c'est compliqué. On va avoir un type de montage. On va avoir une esthétique du cinéma chez Marker qui va se vouloir véritablement politique et qui va transparaître l'idée politique de Marker, qui est l'idée de base, c'est comment est-ce qu'on va filmer l'égalité justement entre le filmeur et le filmé. Et derrière ça, forcément, il y a comment est-ce que un Européen peut filmer à égalité justement des peuples, enfin des pays du tiers-monde et tout ce qui s'ensuit. Alors juste pour aller rapidement, pour qu'on puisse avoir un débat, je vais vous montrer une image. Enfin, une double image, et puis on finira quand même sur un extrait de film que tout le monde connaît sûrement, mais qui est important. Donc, c'est Tahiti. Alors, parce que, donc, ça, c'est deux photographies qui ne sont pas de Chris Marker, qui sont de... pas d'illustres inconnus, mais de gens dont on n'a aucune trace. D'ailleurs, on le sait, vu qu'on n'a pas trouvé les droits pour les reproduire. Donc dans un volume écrit par Jean-Marie Lourcin d'une série qui s'appelle Petite Planète, qui a été édité au Seuil donc du début des années 50 jusqu'à d'ailleurs très longtemps, et qui a la particularité d'avoir été créée, dirigée par Chris Marker jusqu'en 1959. Et donc dans cette série-là, qui sont des guides particuliers de voyage, des guides de voyage dans lesquels vont signer les grandes plumes de l'époque, on a Armand Gatti qui va signer sur la Chine. On a Domenach d'Esprit qui fera la Yougoslavie et tout ça. On a une intervention justement de Chris Marker dans la question mise en page typographie. Et alors là, ces deux images-là ne sont pas en vis-à-vis dans le livre, elles sont en recto verso, mais de chaque côté, on va avoir, quand on va tourner la page, on va passer de la première à la seconde. Alors le texte qui accompagne la fin d'avant, c'est Tahiti au jour le jour, et ça finit par « En effet, on construit des écoles ». Mais les Tahitiens préfèrent visiblement leur propre langue et il semble qu'ils aient décidé de ne pas se fatiguer à apprendre le français, pour lequel ils n'ont d'ailleurs aucune aptitude. Donc là, c'est la phrase qui est sur le deuxième côté. C'est-à-dire que là, il y a véritablement, quand on voit ces deux images-là, le texte, en fin de compte, n'a plus beaucoup de sens. Le rôle des images dans ces livres-là est extrêmement important, parce que quand on passe de l'une à l'autre, on a clairement la Tahitienne qui se moque ouvertement des colons. Et je crois que c'est vraiment deux images qui montrent le détournement des documents qu'on va avoir plus tard et qui sont justement sur cette égalité-là. Alors, deuxième chose très importante chez Chris Marker et qui va guider toute la réflexion, toute l'esthétique politique qu'il va avoir, c'est la question du regard et du filmeur filmé et du chasseur filmé. Donc, une question qui va irriguer tous ses films, des tout premiers. Par exemple, on va avoir un film qui s'appelle Si j'avais quatre dromadaires, où la question va être posé frontalement, jusqu'au dernier chat perché, où on va avoir énormément justement de ce qu'on pourrait appeler des regards caméra, mais qui ne sont pas des regards caméra chez Chris Marker, mais qui sont justement de la question de comment est-ce que on va pouvoir trouver cette égalité, comment est-ce que on peut faire passer, enfin comment est-ce que le cinéma peut participer de l'utopie de la démocratie. Donc c'est, et là on la trouve dans l'égalité du regard. Alors je vais juste non pas vous passer la séquence de Sans Soleil qui est à la base, mais vous montrer une dernière photographie. Donc on a une photographie donc, qui date de 1959, qui a été publiée dans un ouvrage signé par Chris Marker qui s'appelait Coréenne. Il était aux éditions du Seuil dans une série, dans une collection qui s'appelait Court-métrage, qui malheureusement n'a fait qu'un exemplaire. Et donc là on a Chris Marker qui a fait un voyage à Corée, Chris Marker est extrêmement voyageur, il voyageait aussi beaucoup au gré des invitations. Par exemple, Chris Marker, Michel Léris, qui a signé, si on veut, un de ses journaux de tournage, qui est Journal de Chine, vu qu'ils étaient en Chine au même moment, invité. Enfin bon. Et donc là, il va en Corée, et donc il fait des photographies. Et là, c'est véritablement l'égalité du regard qu'on a dans cette image-là. Alors, ce qui est important dans cette image-là, c'est qu'elle date donc de 59. Tout le texte date de 59, d'ailleurs. Et elle a été rééditée dans le DVD de Chris Marker in Memory. C'est-à-dire qu'il a confirmé, en plus, parce que Chris Marker a une grande tendance à effacer ce qui ne lui plaît pas, ce qui n'est pas le cas là. Et donc là, pour Chris Marker... Et comment est-ce qu'il ne s'agit pas, vous voyez, de jouer l'homme contre l'histoire, mais c'est que le rapport avec les visages et que ces gens connus, je sais qu'ils passent par l'histoire, que pour les aider, pour leur nourrir, d'autres moyens que pataphysique. Voilà. Donc je vous laisse contempler cette photographie qui montre finalement, pour Marker, et donc là, dans l'esthétique qu'il va y avoir des films, la volonté d'une égalité des regards entre le filmeur et le filmé. Je vous remercie. J'espère ne pas avoir trop débordé.